trouve dans mon salon, mon chef dans le répondeur, qui me dit que je suis un bon élément, un plus pour l'entreprise, mais qu'il faudrait vraiment que je pense à repasser mes chemises. Pour me laver la tête, c'est sans être faire un tour en motocyclette, avec sous la selle une photo d'elle, mon héros, héroïne. Oh, mon héroïne. Quant aux fêtes de famille, j'arrive la mine des fêtes. Je subis les dires de tata et d'oncle Jean, qui me veulent une femme, qui me fasse un môme, qu'enfin je devienne grand, et beau, fort et puissant, et que je venge leur défaite. Pour laver la tête de ces sornettes, je vais faire un tour en motocyclette, avec sous la selle une photo d'elle, mon héros, mon héros. Amis se mettent à pointer du doigt ce chantier commencé au long il y a bien plus de 6 mois. Les éclats de peinture sur la clôture, le gazon plus haut que la maison. Si tu es à l'intérieur comme c'est à l'extérieur, tu devrais faire attention. Pour me laver la tête de ces sornettes, je fais un tour en motocyclette, avec sous la selle une photo d'elle, mon héros, mon héros. D'un âge mûr, je ne manquerai de compter à ma progéniture. Quand j'étais jeune, j'étais un rebelle, et c'est pour ça ta mère m'a aimé. Ouais, quand j'étais jeune, j'étais un rebelle, et c'est comme ça que je l'ai supporté. Pour me laver la tête de ces sornettes, je faisais un tour en motocyclette, avec sous la selle une photo d'elle de ma vie, mon héroïne. Oh, de ma vie, mon héroïne. Oh, de ma vie, mon héroïne. De ma vie, mon héroïne. De ma vie, mon héroïne.